Madame de Beauséant ne se pinça point les lèvres, elle ne rougit pas, son regard resta le même, son front parut s'éclaircir pendant que la duchesse prononçait ces fatales paroles. « Si j'avais su que vous fussiez occupé, » ajouta la duchesse en se tournant vers Eugène. « Monsieur et Monsieur Eugène de Rastignac, un de mes cousins, » dit la vicomtesse. « Avez-vous des nouvelles du général Montriveau ? » fit-elle. « Sérizy m'a dit hier que ne le voyait plus. L'avez-vous dit chez vous aujourd'hui ?» La duchesse, qui passait pour être abandonnée par Monsieur de Montriveau, de qui elle était éperdument éprise, sentit au cœur la pointe de cette question et rougit en répondant. « Il était hier à l'Élysée. »« De service, » dit Madame de Beauséant. « Clara, vous savez sans doute, » reprit la duchesse, en jetant des flots de malignité par ses regards, « que demain, les bans de M. d'Ayuda Pinto et de Mademoiselle de Rochefide se publient. » Ce coup était trop violent. La vicomtesse pâlit et répondit en riant. Un de ces bruits dont s'amusent les sots. Pourquoi M. d'Ayuda porterait-il chez les Rochefides un des plus beaux noms du Portugal? Les Rochefides sont des gens anoblis d'hier. Mais Berthe réunira, dit-on, 200 000 livres de rente. M. d'Ayuda est trop riche pour faire de ses calculs. Mais, ma chère, Mademoiselle de Rochefide est charmante. Ah! Enfin, il y dîne aujourd'hui. Les conditions sont arrêtées. Vous m'étonnez étrangement d'être si peu instruite.